On va parler de baseball, mais de baseball local. On parle beaucoup de baseball professionnel, mais on va parler de baseball local. Belle nouvelle que le Nouvel Hebdo nous a annoncé la semaine passée, c'est qu'il y aurait. On sait que le baseball est en pleine recrudescence. Il y a une hausse d'inscription depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, ben, cette année, on va passer à un autre niveau. On parle même peut-être d'aller dans des circuits régionaux. En ligne, on va parler avec Paul Morel. Salut, Paul. Oui, bonjour Danny. Paul, c'est une belle nouvelle que le Nouvel Hebdo nous a annoncé la semaine passée, donc qu'il y aura du que peut-être que vous allez joindre des rangs des circuits régionaux. Belle nouvelle, ça? Ben, écoute Danny, c'est pas encore confirmé. Ouais. Ouais, là, ce qui se passe actuellement, c'est que il y aura du baseball. On veut redémarrer le baseball junior parce que comme tu le sais, au cours des dernières années, on avait fait une tentative là, de démarrage il y a quelques années. Malheureusement, là, ça avait pas très bien fonctionné avec la COVID en plus à travers ça. Donc, on fait une tentative là, pour relancer là, le baseball là, dans les catégories plus jeunes. On veut évidemment le faire là, dans le concept des petites ligues. Alors, on s'amuse. Etc., dans différentes catégories. Maintenant, au niveau du régional, Ouais. on a, moi, je suis en discussion, là, avec le régional. Actuellement, il y a du baseball, là, pour les plus jeunes, régional, surtout dans la région de Saguenay. Que les plus Un jeunes, petit c'est quoi, peu, hein? Les plus jeunes, c'est ben là, quoi? on parle de 9, 10, 11 ans, Ouais. 12 ans, là, dans ces catégories-là. Parce qu'autour de 8 ans, plus bas, là, on parle plus, de principe, là, de petite ligue, de s'amuser entre nous, faire des Ouais. matchs entre nous, sans être dans une ligue régionale. Alors donc, au niveau du régional, il y a des jeux qui se font au Saguenay, il y a des aussi du côté d'Alma et les régions, mais dans le haut du lac, quand je parle haut du lac, là, c'est Dolbeau-Mistassini, Normandin, Ouais. Saint-Félicien, Roberval. On n'a pas de concept encore de baseball régional. Alors, donc, moi, j'entrepris des discussions avec l'Association régionale là, de baseball Québec. Et puis, on veut commencer à implanter ça. OK. De là à dire qu'on va le faire dès cette année, c'est une chose, mais une chose est sûre, c'est qu'on en parle. Pourrait y avoir des Fait matchs, hein, avec que, une ligue, il peut y avoir des matchs. il pourrait y avoir des matchs, effectivement. Ouais. On tente aussi de faire, en collaboration avec l'association régionale, une espèce de petit camp d'entraînement pour introduire le sport auprès des jeunes dans le haut du lac. Alors, ça, il y a des discussions qui se font de ce côté-là. Mais on y va vraiment, là, Danny, avec la politique du petit pas. Mais OK. c'est ce qu'on veut. On veut s'enligner par ça. On ressent un engouement aussi, là, moi, de plus en plus. Il y a des parents qui m'en parlent. Hey, Paul, ce serait le fun d'essayer de relancer ça, puis tout ça. Alors, tout ça mis ensemble, là, et en plus, Danny, ce qui est important aussi, c'est comme tu sais bien, on a un nouveau terrain de balle Ben oui, qui, l'an prochain, c'est donc, la est en dernière prévision, qui année. est en 2000. Est-ce que ça a un C'est lien ça. direct, Paul, avec le fait que tu veux relancer, le fait que tu vas avoir un nouveau terrain de balle, que tu veux relancer le baseball, ça doit avoir un lien direct aussi, là? Direct, la réponse est non. OK. Il y aurait pas de projet là, de terrain de balle, on le lancerait quand même. OK. On démarrerait ça quand même parce que on est rendu là, là. Tu sais, il faut faire quelque chose de ce côté-là. Donc, quand je dis qu'il faut faire quelque chose, il faut se retrousser les manches et puis avancer de ce côté-là. Alors, il n'y aurait pas de projet, là, on le ferait quand même. Maintenant, ben, écoute, tant mieux s'il y a un nouveau terrain de balle qui s'en vient, puis tant mieux si on réussit à faire relever ça, puis utiliser le terrain de balle encore plus pour pas que ça serve seulement aux ligues adultes. On veut aussi que ça serve puis développer là au niveau des plus jeunes. Alors c'est l'objectif principal. OK. Comment que le niveau de. Les inscriptions ont monté pas mal. Ça fait moins que 3-4 ans que tu as relancé ça? Ben écoute, les inscriptions étaient plutôt stables. Quand on en avait là. On réussissait pas à atteindre les chiffres qu'on voulait. C'était quand même bien, mais là, l'objectif, c'est vraiment là d'augmenter ça, là. OK. Dis-moi, au niveau des bénévoles, au niveau, c'est toujours le même maudit problème, là, partout, là. Les bénévoles, est-ce que ça va être les parents, j'imagine? Comment tu vas t'organiser? On va s'organiser là-dessus? Ben, écoute, c'est sûr que je vais aider. Ouais. La bonne nouvelle, justement, tu parlais de bénévoles, la bonne nouvelle, c'est que il y a déjà des parents qui ont levé la main OK. pour dire, moi, je suis prêt. Je suis prêt à OK. aider, je suis prêt à entraîner, je suis prêt à... Tu sais, alors, quand tu as un engouement comme ça, là, tu peux pas laisser passer ça. Non, non. Il faut que tu en profites, tu dis, ben écoute, il y a des gens qui sont prêts, je suis prêt aussi à mettre du temps dans ça pour que ça marche. Donc, il y a une belle dynamique, là, qui OK. on s'enligne sur quelque chose de bien, puis j'ai tendance à être très optimiste, là, par rapport à la relance, là, du Les baseball. objectifs, c'est quoi? Dire au niveau de Ah. l'inscription, à peu près une centaine de jeunes, c'est-tu pensable, c'est-tu Hey. réalisable? Danny, T'as aucune j'ai de objectif, la tu sais pas à misère. quoi t'attendre. C'est sûr que j'ai des souhaits. Ouais. J'ai des chiffres en tête, mais je veux pas OK. projeter ces chiffres-là tout de suite. C'est question de c'est ça. Je veux juste être sûr là qu'on lance ça correctement. On aura les chiffres qu'on aura, mais encore une fois, je demeure très optimiste. OK. Donc là, ça commence quand les inscriptions? Ça commence bientôt, je vais avoir une séance d'inscription. Oui, surveillez ça là en mai là au niveau des inscriptions. Normalement là le début, tu sais, mettons un camp d'entraînement début juin OK. et lancement de la saison là mi-juin là autour de ça va être annoncé là sous peu. Alors je te donne là des périodes là qu'on souhaite là qu'on vise et puis ça devrait ressembler à ça là. Alors on s'aligne Hey, comme ça. Paul, pendant que j'étais pour d'autres choses, le challenge cycliste doit être soulagé parce que c'est ton bébé, là. Ben, écoute, Ouais. oui, le challenge cycliste, effectivement, c'est mon bébé. Ouais. Là, je ne suis plus dans l'organisation. J'ai passé le flambeau, mais j'aide quand même aux gens qui sont là. Ouais. Mais soulagé, tu as tout à fait raison, là. Ah Ça oui, devait être parce un que... malentendu. Moi, je vois ça comme j'ai fait une entrevue avec André, j'ai fait une entrevue avec Geneviève, j'ai fait une entrevue avec les Ah deux. oui. Puis ça ressemble à un Oui. malentendu, ça se peut-tu? Oui, je pense que c'est ça, là. Je sais que le challenge était toujours en discussion. Il y a peut-être au niveau des communications, là, il y a des choses peut-être qui ont pas eu le temps, là, des gens qui n'ont pas eu le temps de se parler, puis c'est sorti. Et puis mais écoute, de toute façon, ce qui est important, c'est le résultat. Et le Ben résultat est positif. Et puis un peu aussi comme le demi-marathon des Bleuets, tu sais, qui se ouais. Ben déroule le 22 mai. j'ai fait un entrevue avec Gilles là-dessus, là, quelques semaines. Quand est-ce que ça a Ouais. sorti les inscriptions? C'est là quelques semaines. Là. Le Ouais, deck c'est va quelques semaines. bien. Hey, c'est dynamique à Delbo. Quand on dit qu'à Delbo, c'est signe de sport, c'est très Écoute, dynamique, là. C'est on le voit. deck va bien, le demi-marathon, c'est pas complet, c'est pas loin. Le On a eu une belle baseball s'en vient. compétition de Oui, on a eu une belle compétition pour une première à Delbault-Mistassini, là, en tout cas, à ce que je sache, en gymnastique en fin de semaine dernière avec le club Madilut, club de natation qui organise la compétition de natation, Hockey Québec Coupe Dodge Ouais, Coupe Dodge, l'autre c'était semaine ma prochaine après. question, ça. Coupe Dodge, comment ça va ici à Delbault? Je sais qu'à Saint-Félicien, on cherche des bénévoles pas mal, là, j'ai vu ça. Est-ce que l'organisation ici à Delbault est prête? Ça va très très bien. La ville donne un bon coup de main aussi, la ville de Ouais. Delbault-Mistassini. Oh non, écoute, là, tout ce qui se déroule actuellement dans le domaine sportif, là, Danny, là, puis comme tu disais tantôt, c'est extrêmement dynamique et c'est très plaisant de voir les choses aller, là. Je suis chanceux de vivre dans un environnement aussi dynamique que ça. Ah ouais, regarde, c'est vraiment génial. Paul, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler à nous tantôt. Donc, on va suivre évidemment l'inscription du baseball bientôt. Merci à Le toi, Richard Danny. Laville sportif de Delbault-Mistassini, Paul Morel.